force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Ne pense plus aux événements du passé. Ne pense plus aux échecs du passé. Je parle à une sœur, c'est vrai. Tu as connu deux relations amoureuses qui n'ont pas marché. Maintenant, tu as peur. Tu commences à dire tous les hommes sont les mêmes. Non, le Seigneur te réserve un mari qui est donc ta pointure. N'aie pas peur. Lorsque cet homme, tu vois qu'il a réellement Jésus, que s'il vient vers toi, même si apparemment il n'est pas riche, mais sache que c'est celui-là que Dieu a choisi. Et si tu acceptes, tu verras la gloire de Dieu. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton mari. Toi qui es marié, réveille ta femme, nous allons prier. Nous sommes à OSB, opération sous la brèche. Nous poursuivons notre étude du psaume 23. Aujourd'hui, nous allons prier sur le psaume 23 du verset 4 au verset 6e. Chaque matin, je me lève. Je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSB. Lisons psaume 23, 4 à 6. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons partager trois vérités tirées de cette deuxième partie de ce psaume 23. Voici la première vérité. Le bon berger sécurise ses brebis dans l'adversité. Oui, si Jésus est ton berger, sache que c'est lui qui te sécurise, même si tu vis dans les combats. Je parle à un frère. C'est vrai, tu es dans un environnement de mystique. Les gens ne veulent pas te voir parce que tu es honnête, parce que tu marches selon la parole de Dieu. Dieu a placé en toi un potentiel. Il y a des gens qui font des canaries, qui vont voir les maraboutages. Mais toi, tu n'as pas besoin des marabouts. Jésus est au-dessus des marabouts, celui qui va sécuriser ta vie. Ils vont te faire la guerre, ils ne te vaincront pas, ils vont échouer parce qu'il y a quelqu'un qui sécurise ta vie. David dit dans ce psaume, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu y es avec moi. Vous savez, quand on parle de la vallée de l'ombre de la mort, cette vallée représente des moments d'épreuve que nous traversons dans notre vie. Il peut s'agir de la maladie, de la perte d'un être cher, la perte de son emploi, la déception, la guerre, etc. Je vais parler à un frère. C'est vrai, ces derniers temps, depuis que l'année a commencé, vous avez perdu plus de deux personnes de la famille. Tu te poses des questions, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et pourtant, je prie. Tu es en train de traverser la vallée de l'ombre et la mort. Mais le Seigneur va te faire sortir. Tu seras victorieux de cette situation et tu auras un témoignage qui va démontrer la puissance divine. Le chrétien n'est pas toujours à l'abri des épreuves de telles situations. Même des grands personnages de la Bible ont marché dans cette vallée de l'ombre et la mort avant d'atteindre la gloire. Prenons l'exemple de Joseph. Joseph a été vendu par ses frères, puis il a été injustement jeté en prison. Mais l'Éternel était avec lui. C'est pourquoi il fut élevé au poste du premier ministre en Égypte. David lui-même, il a connu la vallée de l'ombre et de la mort. Lorsqu'il fut poursuivi par le roi Saül, qui voulait le tuer, mais Dieu était toujours avec lui. Les trois amis de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont été jetés dans la fournaise ardente parce qu'ils ont refusé d'adorer la statue du roi Nebuchadnezzar. Mais nous voyons que même au milieu de cette fournaise, le Seigneur était là et le Seigneur les a délivrés. Daniel fut jeté dans la fosse au lion parce que c'est quelqu'un qui était intelligent. Il avait un esprit supérieur et les gens ont fomenté un complot contre lui. Mais Dieu l'a délivré. Toutes ces situations représentent la vallée connais de l'ombre et la mort. J'ai dit ma sœur, j'ai dit mon frère. Oui, tu connais des moments difficiles. C'est une épreuve, mais la finalité, ce sera la gloire. Ce que Dieu t'a promis s'accomplira. Ne baisse pas les mains. Oui, ne cède pas à cette pression. Il y a les mystiques qui se font des pressions. Il y a ton patron qui te fait la pression. Il veut sortir avec toi pour signer ton papier. Refuse cette compromission. C'est Dieu-là qui va te récompenser. Ne baisse pas les mains. Ne retourne pas dans le monde. Dans cette vallée de l'ombre et de la mort, Dieu est avec toi. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. N'aie pas peur, le Seigneur est là, il est avec toi. Nous savons comment les disciples, ils ont eu peur lorsqu'ils traversaient la mer dans la barque. La Bible nous dit qu'un tourbillon commençait à se fondre, de telle sorte que l'eau commençait à remplir la barque. Mais Jésus était là. Ils ont réveillé Jésus et il s'est levé. Il a dit, silence, tais-toi. Le Seigneur est dans ta barque. Il faut le réveiller. Il va dire silence et le calme va revenir. David mentionne deux choses ou des objets dont se servaient les bergers juifs pour sécuriser leurs brebis. C'est la houlette et les bâtons. Il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette servait à ramener les brebis qui voulaient s'égarer. Et les bâtons servaient à frapper les loups qui venaient pour ravir les brebis. C'est pourquoi il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Donc là où il faut accepter que la houlette du berger te ramène. Quand tu commences à t'égarer, il va te ramener sur le droit chemin. Mais le bâton est là pour frapper l'ennemi. Il y a un bâton que le Seigneur a, un bâton invisible pour frapper les puissances sataniques, pour frapper les démons, pour frapper ceux qui te combattent. Deuxième vérité, le bon berger nous bénit en face de nos ennemis. Oui, David dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Vous voyez ici, dans cette première proposition, David dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. La table ici représente, ça nous donne l'image d'un banquet, une fête que Dieu organise à ta faveur. Et puis, il dresse cette table en face de tes adversaires. Sur cette table-là, est garni de faveurs, de bénédictions. Et puis maintenant, il dépose une onction sur ta tête. Une onction de gloire, une onction de bénédiction. Je vais dire à une sœur, écoute-moi bien. Ton mariage a été combattu dans ta famille par les gens même qui sont mal intentionnés, même dans ton église. Mais Dieu va dresser une table. Il va te bénir. En sorte que ceux-là qui te combattaient, ils vont voir ton mariage. Et Dieu va faire de grandes choses. Dieu nous bénit en face. Il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Et tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. L'onction dont parle David ici, c'est une onction de bénédiction. C'est une onction d'abondance. C'est une telle onction qu'un certain Joseph a reçue. Oui, Dieu a béni Joseph en telle sorte qu'il est devenu le premier ministre. En telle sorte qu'en un jour, son statut a changer. Je vais dire à quelqu'un, il y a un package. Quand Dieu veut débloquer ta situation de chômage, il va débloquer aussi la situation du mariage. Parce que Dieu va déposer sur toi une onction spéciale, une onction d'abondance en face de tes ennemis. Et ceux qui te combattaient, ceux qui te méprisaient, ils viendront se prosterner à tes pieds comme les frères de Joseph sont venus se prosterner. Oui, un jour, ils sont venus en Égypte et ils sont venus se prosterner. Et il leur avait dit, je sais que vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. David dit, tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. Cette huile est le symbole de la bénédiction qui déborde et de la plénitude du Saint-Esprit. Pour devenir roi d'Israël, David a reçu l'onction du Saint-Esprit par l'intermédiaire du prophète Samuel. La Bible montre que l'une des clés qui font déborder la bénédiction dans notre vie, c'est le ministère des données. Si tu veux réellement voir la bénédiction de Dieu, voici l'une des clés. Apprends à donner, à soutenir l'œuvre de Dieu, à s'aimer, voyez. C'est pourquoi dans Luc 8, 38, il est dit, donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une mesure sûre, secouée, une mesure secouée et qui déborde. Dieu promet par exemple à ceux qui sont fidèles avec la dîme d'ouvrir les écluses des cieux. Mon frère, ne néglige pas la dîme. Ça fait plus de 3 mois, tu ne donnes plus ta dîme. Il a dit, mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Je vais déverser ma bénédiction en abondance. Tu peux te rattraper. Troisième vérité, ayons la certitude que le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Si réellement Jésus est ton berger, tu te laisses conduire par lui, tu m'as la crainte de ton nom, tu dois dire oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Quand c'est comme ça là, il faut refuser tout ce qui est négatif qui cherche à t'accompagner. Dieu n'a pas dit que les chômages t'accompagneront pendant tout tous les jours de ta vie. Non, il a dit le bonheur et la grâce m'accompagneront. Il faut confesser cela. Il faut proclamer cela. Je vais dire à quelqu'un, ta maladie t'a fatigué ces derniers temps. Tu vas dire non. Seigneur, tu ne m'as pas dit que la maladie m'accompagnera. Je refuse. Toi, fièvre, paludisme, toi, tu m'as fatigué. Toi, colopathie, tu m'as fatigué. Toi, asthme, tu m'as fatigué. Je refuse maintenant que tu m'accompagnes. Parce que le Seigneur dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Femme, si c'est des palabres qui n'en point en finir avec ton mari, tu vas dire, je refuse les palabres. Dieu ne m'a pas donné ce mari pour que nous ayons des palabres tous les jours. Il a dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Mais il y a une conséquence logique. Tu dois habiter dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de tes jours. Ceci est lié. Donc Dieu, le bonheur et la grâce ne peuvent pas t'accompagner tous les jours si tu t'éloignes du Seigneur. Je vais parler à un frère. Écoute-moi bien. Depuis que tu étais nommé à un poste de responsabilité où tu as beaucoup d'avantages, tu as même des frais de mission, mais tu as abandonné l'œuvre de Dieu. Les responsabilités qu'on t'a confiées même dans ton église, tu les as négligées. Ce n'est pas sérieux. Tu dois demeurer. Tu dois habiter dans la maison de l'Éternel. Habiter dans la maison de l'Éternel, c'est demeurer d'abord dans la prière, demeurer dans la crainte de Dieu, demeurer dans la maison du Seigneur, rester fidèle dans le ministère, dans les charges qu'on t'a confiées. Demeurer dans la crainte de Dieu, c'est ça. C'est pourquoi David dit, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons élever nos voix, nous allons chanter pour lui ces cantiques. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus. La victoire est certaine par le sang de l'agneau. Maladie, arrête-toi, au nom de Jésus. La victoire est certaine par le sang de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus. La victoire est certaine par le sang de l'agneau. Chômage, arrête-toi, au nom de Jésus. La victoire est certaine par le sang de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Célibat, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Stérilité, arrête-toi, au nom de Jésus. La victoire est certaine par le sang de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus. La victoire est certaine par le sang de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Malédiction, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine. Maladie, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Célibat, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus. La victoire est certaine par le sang de l'agneau. Stérilité, arrête-toi, au nom nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Et moi avec toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Gloire au Seigneur, gloire au bon berger, gloire soit rendue à notre Dieu. Il mérite gloire, honneur, puissance et majesté. Élève ta voix, mon frère. Amen. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. C'est votre frère au microphone, le révérend Dieudonné Ngoumbi. Aujourd'hui, nous prions selon le psaume 23, du verset 4 jusqu'au verset 6. Nous vous encourageons à partager par les médias sociaux OSB, surtout vous qui êtes dans WhatsApp. Nous allons prier le Seigneur. Prions pour tous ceux qui passent par la vallée de l'ombre de la mort, c'est-à-dire des moments d'épreuve, des moments d'adversité, afin qu'ils n'abandonnent pas le Seigneur. Qu'ils aient cette certitude que Jésus est là. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre et la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Prions pour que Dieu le fortifie, au nom de Jésus. Béni sois-tu, Père éternel. Lorsqu'on tourne vers toi les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Ta parole déclare que lorsque le malheureux crie, l'Éternel l'entend et l'Éternel le délivre de toutes ses frayeurs. Nous prions ce matin pour tous ceux qui traversent la vallée de l'ombre de la mort, ceux qui passent par des moments de difficulté, ceux qui sont harcelés de toutes parts, ceux qui sont victimes des attaques sataniques, des manipulations des puissances des ténèbres. Nous demandons, Père éternel, que tu les fortifies et que tu les délivres des liens de la servitude. Rassure-les par ta présence, ô Père éternel, que l'esprit de découragement ne les envahisse pas, que toute forme de lassitude ne les envahisse pas, afin qu'ils puissent abandonner tes voies. Rassure-les parce que tu es présent. Rassure-les par ta parole et encourage-les. Manifeste-toi dans leur vie, ô Père éternel. Ta parole déclare que ceux qui se confient en toi ne sont jamais confus. Nous prions et nous déclarons que toute confusion dans leur vie liée aux difficultés, liées aux défis, soit ôtée au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons la victoire en Jésus. Nous déclarons la protection. Nous déclarons la sécurité dans leur vie au nom puissant de Jésus. Merci Père éternel parce que nous avons l'assurance que notre prière a été exaucée et que par ta main puissante, tu les as rassurés. Par ta main puissante, tu les as consolés. Par ta main puissante, tu les as relevés. Merci pour toutes choses, ô Père éternel. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. Nous allons prier pour que Dieu dresse une table en face de nos ennemis et qu'il pose une onction de bénédiction sur notre vie, sur ta vie, sur ta maison. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. sommes dans la joie ce matin parce que nous nous adressons à notre Père, à notre Sauveur, à notre Libérateur, à notre Goël, à celui-là qui guide notre vie, qui nous enseigne, qui nous instruit, qui veut le bonheur pour nous. Gloire à toi. Ce matin, nous voulons t'implorer. Nous voulons gémir à tes pieds, te dire, dresse une table entre nous et nos ennemis. Nous croyons que tu la dresses maintenant. Ils vont d'abord reculer et ils vont voir la bénédiction que tu déploies dans notre vie. Tout ce qui est sur cette table, ô notre Dieu, notre Père, notre travail, notre élévation, notre joie, notre paix, notre restauration, qu'ils voient et qu'ils soient dans la confusion, qu'ils soient dans la défaite, qu'ils soient notre Dieu, notre Père, toujours dans la défaite. Merci parce que tu dresses cette table maintenant, parce que tu nous as rachetés, tu nous as libérés et tu nous donnes le courage de toujours continuer à te suivre dans la prière, dans la méditation de ta parole, à te suivre avec foi, avec courage, avec persévérance, avec endurance, parce que tu nous soutiens toujours. Merci pour cette table qui est dressée, cette table où nous trouvons nos ressources pour toujours avancer et de demeurer toujours dans ta maison. À toi la gloire pour ta fidélité, pour ton amour, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous aide à demeurer fidèles à lui, à demeurer dans sa présence. Même quand Dieu nous bénit, que nous ne puissions pas, que la bénédiction divine ne nous éloigne pas de la présence de Dieu. David dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Prie pour que Dieu t'aide à demeurer fidèle au nom de Jésus-Christ et à demeurer dans la maison du Seigneur, dans la crainte de Dieu et à ne pas retourner dans le monde. Prions le Seigneur. Éternel des armées, ce matin, nous venons encore à toi parce que tu as fait pour nous de grandes choses et nous sommes dans la joie. Tu es un Dieu fidèle, tu n'as jamais abandonné tes enfants. La Bible dit que celui qui nous a appelés est fidèle et il le fera. Et ta fidélité a fait. C'est pour cela que nous voyons chaque jour ta fidélité. Chaque jour, tu nous ouvres des portes. Chaque jour, ta fidélité est grande dans notre vie en nous accordant la vie, la paix, la joie, l'amour, en nous protégeant. Merci Seigneur notre Dieu parce que ta fidélité nous conduit à être des hommes bénis. Ta fidélité nous conduit dans l'enfantement, dans la procréation. Ta fidélité nous conduit à aller à l'extérieur, à avoir le visa et à voyager. Ta fidélité nous permet d'être promus dans nos sociétés. Ta fidélité nous permet de nous nourrir, d'avoir toujours de quoi se vêtir. C'est à cause de ta fidélité que nous sommes encore là ce matin. Et nous voulons être toujours avec toi. Et nous voulons demeurer avec toi. Nous voulons rester dans ta fidélité. Nous ne voulons point rétrograder. Nous ne voulons point sortir loin de l'église. Nous voulons être attachés à toi et à ta parole. Nous voulons être attachés à notre assemblée parce que tu nous as bénis à cause de ta fidélité à ta parole, à cause de ta fidélité à ton nom. Tu nous as bénis à cause de ta fidélité à tes promesses. C'est pour cela, Père, maintiens-nous dans ta bergerie. Maintiens-nous dans le service. Maintiens-nous dans ta présence. Que nous ne fuyons point les frères, les sœurs, l'assemblée des justes. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour ta fidélité qui parle pour quelqu'un encore aujourd'hui. Merci pour ta fidélité qui fait sortir quelqu'un des ténèbres. Merci, Seigneur, parce que ta fidélité nous permet de soutenir la radio Fréquence Vie, d'être des hommes fidèles dans nos foyers, dans nos maisons. Merci Seigneur pour ta fidélité qui parle encore pour nous aujourd'hui et pour toujours. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Nous espérons vous retrouver demain à la même heure et à la même chaîne. Au revoir. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par